auquel il est un seul. Alchimie de la vie, il s'étreigne et rêve. C'est déjà la fin du parcours, déjà la nuit, mais l'amour va devenir un enfant, sans mes cailloux blancs, innocent. Innocent.